Et alors, un nouveau sujet pour poursuivre ce programme. Et nous allons parler cantine participative avec la Tablée qui nous rejoint avec deux de ses représentantes, Meriem d'une part. Bonjour Meriem. Bonjour, merci. Et bienvenue. Alors, je n'ai pas ta... C'est vrai que j'avais pris contact un peu avec chacune des structures. J'avais un référent ou une référente, voilà, mais je n'avais pas. J'avais Olivier qui est donc là. Bonjour Olivier. Bonjour. Qui est présent et que j'attendais comme intervenant, mais et qui est, me semble-t-il, administrateur au sein de la Tablée. Et co-président même. On est sur une collégiale. Voilà. Et Meriem, peut-être que tu es administratrice aussi ? Oui, avec le même statut qu'Olivier. Ok. Co-présidente ? Co-présidente aussi. Bon, bah voilà. Alors, on a les bonnes personnes, là, et bonnes interlocuteurs, interlocutrices. Bah, merci à vous, en tout cas, d'être là pour parler de la Tablée. Alors, c'est marrant parce que hier, j'étais sur un autre événement partenaire, sur le Salon de l'agriculture, Salon Vert de Terre, l'agriculture paysanne. Sur le Puy-Couriot ici à Saint-Étienne, où avait lieu en fin de journée une table ronde et discussion autour des cantines, et donc de cantines solidaires notamment, sur certaines expériences d'ailleurs que je ne connaissais pas, ou peu. Alors il n'y avait pas la Tablée, donc on va faire justement le complément, mais peut-être que cela vous dit quelque chose, parce que vous connaissez sans doute vous les initiatives qui se mènent sur Saint-Étienne, de ces cantines, la cantine du mercredi, la cantine du terrain des saveurs, la cantine du Secours catholique, j'ai perdu si elle a un nom spécifique, pas, ouais. Mais en tout cas c'est la cantine du Secours catholique également. Donc ça a permis de dessiner un petit peu les différents profils, les différents projets, etc. Alors du coup, la Tablée rejoint un petit peu finalement cette idée. Ça sera l'occasion en ouverture là de la présenter. Qu'est-ce qui la distingue peut-être de ces autres cantines ? Vous parlez de cantines participatives, cantines de quartier. Voilà, ça va nous permettre et vous permettre surtout là de nous présenter, vous présenter en tant que donc cantine participative, la Tablée. Qu'est-ce Donc la Tablée, c'est une cantine participative qui est au pied des marges du Cré de Roc et qui a la particularité d'être ouverte sur 4 créneaux par semaine où on propose du coup des ateliers de cuisine collective avec des bénévoles qui viennent cuisiner les matins en compagnie de une des salariées du lieu qui est là, elle, pour créer du lien entre les gens, animer l'atelier cuisine, gérer aussi toutes les questions d'approvisionnement, etc., et de faire en sorte que tout le monde puisse trouver sa place dans l'atelier du matin où la cuisine du coup se fait de manière collective. Et après chaque créneau de cuisine, il y a le repas qui est proposé à toutes les personnes qui souhaitent venir manger à la Tablée et qui est proposé à prix libre parce qu'on ne voulait pas que l'argent soit un frein à l'accès à une alimentation saine et durable. D'accord. Et alors, quand est-ce qu'est née la Tablée ? Je crois que ce n'est pas très très vu, hein, au fond, qu'est né ce projet. La Tablée est ouverte en début de l'année 2022. Donc on a fêté nos 3 ans. 3 ans à peu près d'existence. Et c'était un projet qui était déjà en expérimentation, où on avait, il y avait le réfectoire à l'époque, qui était un lieu où les gens pouvaient manger. Et puis très vite, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une barrière pour que des personnes qui n'oseraient pas passer la porte juste pour venir manger. On voyait ces barrières-là. Et donc, le fait aussi de proposer des ateliers de cuisine a permis en fait à chacun aussi de se dire qu'il pouvait, au-delà de venir manger, il y avait aussi l'idée de partager un moment et de contribuer. Donc voilà. Et donc, c'est vrai que cette expérimentation a permis de voir que voilà, il y avait un vrai intérêt. Et donc, il y a une association autonome qui s'est créée fin 2021 pour ouvrir le lieu. Donc, des travaux ont été faits, puisqu'on possède aujourd'hui donc, un espace restauration, je veux dire un espace cuisine où se font les ateliers, puis un espace restauration où on peut manger. On peut accueillir plus d'une trentaine de convives. Et donc, on est ouvert donc depuis cette année. Depuis 3 ans. Mmh. L'expérience réfectoire, elle, avait été menée quasiment 10 ans auparavant. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que l'aventure s'est poursuivie finalement dans cette expérience de restauration collective ? Je dirais, quelles expériences vous avez tirées du réfectoire pour pérenniser le projet et peut-être sur un peu réactualiser peut-être certaines lignes forces ou tout en répondant sans doute aux besoins, j'imagine, existants. Voilà, comment vous avez poursuivi et défini le projet ensuite, la tablée en tant que telle ? Du coup, pour revenir un peu sur l'histoire du réfectoire, c'était une initiative à l'époque qui était portée par l'association Rue du Développement Durable, qui avait identifié un peu sur le quartier un besoin justement de lieux de convivialité pour manger ensemble, partager un repas, etc. Et le réfectoire proposait déjà quelques ateliers cuisine, mais proposait aussi aux gens de juste venir manger avec leur pique-nique pour pas manger tout seul à midi, etc. Et le lieu à l'époque était quand même un peu petit et on voyait qu'il y avait quand même toujours de la demande pour venir partager des moments, soit en cuisine, soit pour manger. Et il y avait aussi la volonté de créer une association autonome pour porter ce projet qui devenait un peu conséquent aussi pour l'association Rue du Développement Durable, dont ce n'était pas forcément l'objet de porter tout plein de projets dans le quartier. Donc c'est monté le collectif Cantine Participative Saint-Étienne avec son propre conseil d'administration pour ouvrir après la tablée, donc avec le soutien aussi de Rue du Développement Durable sur l'accompagnement, sur la question des locaux, d'ouvrir ce local plus grand, de l'aménager, etc. D'accord, alors tu parles de distinction, mais en même temps il y a toujours une connexion avec Rue du Développement Durable, RDD en tout cas, qui s'est faite dans la mise en place du projet. Ils sont, nous on est locataires. On est sous-locataire en fait de RDD qui a pris à sa charge le bail et donc qui fait l'interface avec un propriétaire. Et donc aujourd'hui, c'est eux qui sécurisent aussi notre relation. Alors peut-être qu'on peut repréciser en quelques mots RDD, parce que je crois qu'Olivier, d'ailleurs, tu as aussi une certaine expérience au sein de... Oui, j'avais été administrateur. Tu avais été administrateur et investi dans le projet. Rappelez en quelques mots quand même, parce que vous êtes en bas des escaliers du Crédroc, hein, vous êtes, j'ai perdu la rue, en pied des marches. Rue Salingros. Rue Salingros. Rue Robert, l'intersection de la rue Salingros. Voilà, où RDD est très implanté et où a développé d'ailleurs un petit peu son projet. Mais rappelons-en un petit peu le principe, puisque vous en bénéficiez finalement. Eh ben, c'est simple, hein, je crois que c'est une association qui s'est montée en 2011, hein, au moment de de l'ANRU, en fait, de ce grand projet urbain qui a été l'agence de renouvellement urbain. Voilà, qui a été de retravailler sur les espaces insalubres. Qui intervient dans les quartiers dits prioritaires, en géographie prioritaire, ce qui est le cas, il faut le signaler, en Saint-Étienne, en cœur de ville, avec le quartier Crédroc, qui est un quartier ancien concerné. Et donc, au-delà de cette opération urbaine, y avait l'idée aussi de réactiver des rez-de-chaussée vacants. Et donc, c'est la mission, pour le coup, de Rue du Développement Durable, de réactiver des rez-de-chaussée vacants. Et notamment d'en faire profiter des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc dans le secteur, là en bas des écoles, il y a plusieurs initiatives hein, un petit peu dessus. Alors je n'ai plus. Il y a encore la corderie, voisins, hein. Le lien, la fabrique de la transition. Il y a des, je crois qu'il y a des artisans qui sont pas loin. Il y a un atelier partagé sur des praticiens au 23 rue de la rue Raisin. Donc voilà. Et des locaux partagés aussi. Je pense à Tatou Juste d'ailleurs, puisque c'est un autre événement partenaire prochain du mois de novembre, là, qui occupait un temps d'ailleurs les lieux de la tablée, avec un déménagement finalement qui s'est fait en face, mais qui était aussi un espace mutualisé que vous occupez aujourd'hui pour la tablée. C'était une simple petite précision quand même, mais ça permet tout de même de définir un petit peu les contours du fonctionnement de la tablée, et notamment dans vos financements aussi peut-être aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes une association, vous êtes donc co-président, administrateur administratif, vous bénéficiez d'un local qui est plutôt confortable, spacieux, en tout cas adapté. Est-ce qu'il y a tout de même donc une charge locative ? Est-ce que vous bénéficiez de soutien et de financement, subvention ou non ? Est-ce que vous auto-financez dans le sens d'autogestion aussi ? Ce qui est le cas de bon nombre d'expériences de cantines, comme je le disais tout à l'heure, d'autres expériences locales. Bref, comment vous parliez d'un salarié tout à l'heure, bref, comment vous fonctionnez sur ce côté-là, peut-être plus administratif et... C'est vrai qu'on est sur un modèle un peu hybride. On a donc des salariés. On a un financement qui est lié à la participation des convives à chaque fois qu'ils viennent manger. On reviendra, on est sur ce qu'on appelle un prix libre, donc avec un prix d'équilibre, voilà, qui est annoncé. Et puis ensuite, bah, chacun va donner en fonction de ce qu'il de peut et de ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, on n'atteint pas le prix d'équilibre parce qu'on a on est en dessous, mais en tout cas, c'est ce qui nous ce qui permet aussi que les gens qui peuvent pas ont quand même la possibilité de pouvoir de passer manger, les portes. Ouais. Donc on a cette participation donc liée aux convives. Et puis après, un peu comme des petites associations stéphanoises, on va grappiller comme ça des projets, des financements sur projet. On n'a pas de financement de fonctionnement. On a la politique de la ville qui nous finance sur des projets. On a l'État aussi via le FDVA. Le Fonds de la vie associative. Voilà, ouais. Que connaissent... oui, c'est important pour le secteur associatif. Hein. Que connaissent, qui étaient anciennement des enveloppes parlementaires qui ont été... recentralisé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a bénéficié aussi via la fabrique de la transition d'un financement sur un appel à projet autour de l'alimentation solidaire. Donc c'est ça qui est un peu difficile aujourd'hui de chaque fois remettre le couvert, comme on dit, pour c'est le cas là, pour aller chercher les subventions qui restent pour équilibrer à peu près. Oui, et puis on le sait même pour un peu l'ensemble du secteur. Hein, voilà, c'est quand même un équilibre fragile à trouver, c'est certain. Et donc une personne salariée, vous le disiez. En fait, on a deux salariés. Deux salariés aujourd'hui. Il y a une salariée qui est plutôt sur la question l'atelier cuisine, qui va vraiment avoir pour mission d'accompagner les convives et les bénévoles. D'encadrer les ateliers. D'encadrer les ateliers, de faire aussi en sorte, s'il y a des convives qui veulent proposer leurs propres recettes, de faire en sorte que ce soit possible en fonction des courses, de leur disponibilité, etc. Et après, on a une autre salariée qui est plutôt sur la question tout ce qui est médiation. Donc il va faire aussi de l'accueil de convives, mais qui va aussi construire ou consolider des partenariats qu'on a déjà avec d'autres structures ou d'autres associations. C'est elle qui va faire le lien aussi avec les bénévoles qui souhaitent s'investir dans le projet au-delà des ateliers cuisine du matin. Donc voilà, plutôt un profil très cuisine et atelier cuisine et un profil plutôt médiation auprès des différents publics, que ce soit du coup... les bénévoles comme les structures ou les plus institutionnelles. Peut-être juste pour compléter, oui. puisqu'on était sur la partie financement, pour la personne qui fait de la médiation, on bénéficie d'un poste d'adulte relais, qui est un financement de l'État et qui permet notamment de faire du lien, de la médiation auprès des publics, notamment des habitants, en direction des habitants des quartiers populaires. Et des quartiers politiques de la ville. Donc c'est aussi pour ça qu'on a des... Donc régulièrement, voilà, on fait du... On sort la tablée sur les marches du Crédroc pour faire un peu de... Oui, bonjour, en plein air. Sur en les... plein air, voilà, pour faire... pour se faire voir et puis pour permettre à chacun de se dire oui, c'est possible, je peux y venir. Mmh. On a développé aussi des cantines itinérantes où on s'est... où on est allé, sur... On peut aller en bas d'immeuble et cuisiner. Donc voilà, c'est vrai que ce deuxième cantine poste... mobile. Voilà, ce deuxième poste, il est... un peu dédié à ça. Il est dédié à ça, ouais. Et c'est important. Sur un équivalent temps plein pour les deux Là, on est passé à 28 heures pour la médiatrice et un temps plein pour l'animatrice. C'est joli. Donc, pour une association de 3 ans d'existence, c'est bien. Mm. Pour ces cantines mobiles, juste en bas d'immeuble, parce que c'est assez chouette comme idée, je trouve, de pouvoir se déplacer, d'aller cuisiner aussi au pied des... non pas des marches, mais des immeubles ou dans d'autres espaces, en tout cas. C'est des opérations que vous renouvelez, que vous avez par exemple, mis en place cet été, parce que j'imagine que ça se pratique bien sûr au beau jour, que la météo soit clémente. Comment se mène ce genre de projet ? Du coup, c'est une initiative qui était née aussi au début de la naissance cantine participative pour aller justement parler du projet de la tablée. Et c'est une initiative qu'on a gardée parce qu'on se rend compte qu'elle permet vraiment d'aller à l'encontre des gens, de faire parler du projet et de faire en sorte que les gens poussent la porte de la tablée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ou qui passent devant et qui n'osent pas forcément rentrer. Donc c'est pour nous un moyen complémentaire de créer aussi du lien en dehors de la tablée, des moments de convivialité et surtout d'animation de l'espace public. Et donc on retrouve les cantines itinérantes sur des événements dans le quartier du Crédroc comme Friche en fête par exemple tous les ans. Un festival au début de l'été. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a eu, on a organisé notre fête des pizzas aussi. Ah oui. En juin, où l'idée, alors cette année on n'a pas pu faire venir le four à pain pour des questions réglementaires, mais normalement on fait des pizzas dans, l'année dernière on avait fait ça dans un four à pain en terre crue. Et donc on a aussi on a eu aussi la chance d'avoir une animation musicale aussi du Grizzly et voilà. On est intervenu dans le quartier de la Cotonne avec l'association VRAC, qui est une association qui facilite aussi l'accès à une alimentation saine pour des personnes dans les quartiers politiques de la ville. Et ensuite, on a fait un événement aussi sur les bas de la Cotonne avec l'Amicale de Tardy, où on avait amené un petit four à pain, pour le coup. Et donc, on était vraiment en bas d'immeuble et c'était assez sympa. Justement, en matière alimentaire, je dirais, puisqu'on parle de VRAC, il s'agit aussi pour vous de vous approvisionner. Alors justement, comment est-ce que vous fonctionnez? Parce que là aussi, les expériences sont diverses. Est-ce que vous avez une façon particulière de vous approvisionner par de la récup, de l'invendu? Enfin voilà, comment vous fonctionnez et si c'est le cas, avec quel type de partenaire, etc. En effet, c'était un des éléments forts du projet de la tablée, c'était de proposer une alimentation saine et durable. Donc on a fait le choix de proposer des plats majoritairement végétariens avec des aliments issus de l'agriculture biologique ou en tout cas locale. Donc parmi nos fournisseurs, on s'approvisionne beaucoup à VRAC pour tout ce qui est sec. On travaille aussi à La Ferme au quartier. On travaille depuis qu'ils ont ouvert avec le Pain du Loup, qui est aussi la boulangerie quasi voisine de la tablée. Et après, sur la question des invendus et de la récup, ça nous est arrivé de le faire, mais plutôt pour des événements ponctuels, parce qu'en fait, c'est aussi une logistique qui n'est pas forcément évidente pour la tablée, vu qu'on est ouvert 4 midis par semaine, qu'on doit publier des menus aussi en amont. Et puis parce que je pense qu'il y a aussi d'autres initiatives et associations qui ont plus besoin de ces réseaux de récupération que nous, qui, mine de rien, avons quand même un modèle économique, bien qu'il soit fragile parce que c'est du prix libre, etc. Il y a une idée aussi de ne pas empiéter tous les uns sur les autres sur ces réseaux-là. Savoir prioriser les choses ou les besoins. D'accord. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Parce que vous le disiez, donc il y a des équipes le matin, ça cuisine, il y a des repas qui sont proposés, on ouvre les portes, on vient manger. Bon, certes, mais il faut bien savoir combien de personnes viennent manger. Enfin, tout ça, c'est une petite logistique. Donc, ça fonctionne comment? Sur adhésion, sur réservation, à la fois pour manger, mais aussi pour cuisiner? Ou est-ce que c'est la condition de participer afin de bénéficier du repas? Enfin, voilà, est-ce que vous avez une sorte de charte ou de règles établies en la matière? Alors, du coup, on a un site internet avec un système de réservation. Que ce soit pour venir cuisiner ou pour venir manger, il n'y a aucune obligation à venir cuisiner pour pouvoir venir manger. Il y a même des fois des gens qui viennent cuisiner et qui ne restent pas forcément pour manger, parce qu'ils viennent pour le moment convivial de l'atelier cuisine, etc. Et donc on essaye quand même d'inviter les gens à réserver un maximum. C'est aussi ce qui permet notamment à la salariée animatrice cuisine de savoir un peu si on va cuisiner pour 10, pour 30, de limiter aussi. Et puis dans une logique anti-gaspillage, c'est pas mal. Le gaspillage, etc. D'accord. Très bien. Et donc on mange les midis, 4 fois par semaine. Et ponctuellement en soirée ou en week-end sur des événements. Là, les créneaux du mardi au vendredi, c'est vraiment les créneaux habituels de la tablée. Et après, on organise aussi ponctuellement des événements avec d'autres animations pour faire vivre un peu le lieu en dehors de ces créneaux-là. On fait aussi certaines mises à disposition pour d'autres structures ou associations qui rentrent dans les valeurs de la tablée et qui souhaitent proposer d'autres animations. C'était le cas pour certains repas de solidarité, non ? C'était le cas, hein, qui sont mis à disposition pour certains projets. D'accord. Projet social, solidarité, projet social et alimentaire. La question que je me posais, c'est en étant ancré en plein quartier populaire, comme on le disait, catégorisé, géographie prioritaire et donc politique de la ville, est-ce que... parce qu'on sait que c'est aussi parfois une démarche et compliquée, complexe, que d'arriver à toucher son environnement réel dans lequel on est implanté. Comment vous fonctionnez ou arrivez ou pas à travailler véritablement avec la population locale, c'est-à-dire avec les habitants et habitantes du quartier du Crédroc ? Eh bien, c'est un travail de tous les jours. C'était aussi l'intérêt de pouvoir avoir une médiatrice, puisque... nous, l'animatrice cuisine, son temps est pris par la logistique et par cuisiner. Donc, on avait besoin de quelqu'un qui puisse aller vers des publics qui ne franchiraient pas la porte de manière naturelle. Et voilà. Donc, la première chose, c'est déjà d'essayer de travailler avec les structures qui sont sur le quartier. Donc, que ce soit l'Amicale, la Maison de Quartier, du Crédroc, qui touchent déjà ces publics. Et puis après, ce qu'on disait, il y avait c'est d'où l'intérêt aussi de ces événements publics, de manger une fois régulière, une fois par semaine quand il fait beau, de faire des événements type fête des pizzas. Est-ce que, alors ça c'est un site et ça donne une visibilité, ouais. Mais est-ce que véritablement les habitantes participent, viennent profiter aussi à la fois de la démarche, de l'initiative, du repas par exemple parce qu'il est à prix libre, enfin est-ce que ça fonctionne ou pas? C'est ça le... Alors c'est ça un peu dur parce que nous on fonctionne aussi sur le prix libre et l'anonymat, donc on n'a pas forcément tout le temps une idée de la provenance de tout, ouais, le monde, mais on essaye quand même de le faire un peu. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a effectivement des gens du quartier qui sont pas forcément les personnes, c'est pas forcément facile de toucher toutes ces personnes là c'est un travail qu'on avait essayé aussi de faire, notamment en refaisant les vitrines pour inciter un peu plus les gens à passer la porte, etc. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que nous, on voulait vraiment un lieu de convivialité dans le quartier pour créer du lien, etc. Et au final, il y a des gens qui viennent de beaucoup plus loin et que du coup, le besoin, en tout cas, de lien social, de convivialité, il n'est pas que sur le quartier du Crédroc, il est partout. Et que mine de rien, ça fédère aussi des liens au-delà du quartier. Et en ça, le projet reste pertinent, même s'il n'y a pas que les gens du Crédroc. Qui viennent à la tablée. On a quand même pas mal de voisins maintenant qui viennent, qui connaissent la tablée, qui viennent soit cuisiner. On travaille aussi avec les résidents de l'EHPAD aussi qui sont sur ce quartier-là. Et c'était aussi cette idée que dans les partenariats qu'on met en place, on travaille avec l'entraire Pierre Valdo aussi qui prend des places. Pour des jeunes, on a un partenariat avec le CCS, avec l'association Prisme 21, on travaille avec les associations de prévention spécialisées. Donc une diversité de publics. Voilà, c'est ce qu'on a essayé. Également, d'accord. Pour ce qui est du prix libre, alors tu parlais de l'équilibre qui n'était pas toujours évident à trouver. Pour vous, le point d'équilibre, il se situe où ? Le prix libre, il est aussi conscient et donc il est aussi à trouver dans la justesse et l'équilibre. Il se porterait à combien pour vous, à peu près Le prix d'équilibre, il se trouve autour de 13 euros pour du coup couvrir les charges d'achat de matières premières alimentaires. Les charges les salaires et les charges liées au local. Après, donc nous, c'est important aussi de rappeler que c'est un projet qui est à vocation sociale et solidaire et que le prix reste libre évidemment, mais qu'il y a aussi des choses où on ne va pas marger, par exemple sur le café, etc. On est quand même sur une formule entrée plat-dessert. Qui avait des produits issus de l'agriculture locale et biologique. Oui, sur le qualitatif aussi. En termes de fréquentation, on était, vous êtes en montée exponentielle ou pas? Là, on évoquait hier avec ces autres expériences de cantine locale. Enfin, moi, j'ai été très surpris, mais je pense que ça vient aussi d'une situation un peu générale, hein, de précarité aussi, et notamment sur le quartier, hein, puisque ça se déroule aussi pas loin, dans une structure voisine, sur le Crédroc, où ils sont à 80 repas hebdo quand même, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'il y a un énorme besoin, il y a des gens qui sont dans la nécessité et qui, la précarité faisant, viennent aussi pour ces raisons-là, en termes d'économie. Est-ce que c'est le cas pour vous avec On est à une vingtaine de... Un accès. L'année dernière, je veux dire, cette année, on est entre 18 et 20 convives par jour. Donc, okay. Voilà, sur une semaine, c'est à peu près les mêmes chiffres. On a peut-être... Par rapport aux initiatives, aux autres initiatives, on a une mixité de public. On n'a pas que des personnes qui sont en, oui, bien sûr, qui sont en situation économiquement fragile. Donc c'était aussi le... C'était quand, non, quand... mais ça faisait, c'était un des facteurs qui pouvait expliquer aussi la fréquentation accrue, on va dire. Pardon, je t'ai peut-être coupé. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que... ça peut être compliqué pour les gens de faire plus qu'un repas par jour ou même d'en faire un. Donc voilà. Absolument. Puis même on évoquait encore en tout début de journée la vie étudiante. On a accueilli un cabas pour un étudiant, l'association, en expliquant que les étudiants soit doivent changer de ville parce que c'est moins cher pour aller étudier, donc se loger, se nourrir, etc. D'autres qui sautent des repas parce que, etc., etc. Et je me dis, Saint-Étienne n'est peut-être pas épargné, pas isolé et ne fait pas exception à la règle. Très bien, on va devoir terminer avant d'accueillir une nouvelle association. Je voulais juste terminer peut-être parce que je crois que vous venez de réouvrir, hein. C'était un peu votre semaine d'ouverture là, le 2 septembre. C'est donc ça. Vous, c'est reparti là pour une saison. Est-ce qu'il y avait peut-être quelques temps forts à rappeler ou des conditions ou informations un peu pratiques générales ou génériques qu'on peut rappeler en guise de fin? Peut-être dans les petites informations qu'on peut faire passer, c'est qu'on va recruter une ou un volontaire en service civique, notamment en fonction des profils. Sur différentes missions qui peuvent être plutôt des missions de cuisine ou justement de médiation, d'aller vers les gens, etc. Donc les informations sont sur les réseaux sociaux de la tablée. Oui, et vous avez même un site. Et on a un site internet sur lequel vous pouvez retrouver les différents événements qu'il y a au sein de la tablée en dehors des créneaux, notamment des repas solidaires en fin de mois organisés par l'association Targa. Il y a aussi un atelier Kéfir, on essaye de proposer un peu d'autres petits ateliers pour la montée en compétences aussi de chacun, chacune. Voilà, et tout est à retrouver sur le site internet de la tablée. Voilà, cantine-la-tablée.fr. Et juste pour nous mettre en appétit, pour quand même terminer, juste par exemple, il y a déjà une idée du menu ou des menus ou des thématiques de semaine prochaine. On pouvait vous dire, on les a pas, mais celle de la semaine dernière en tout cas, c'était un tour du monde des cuisines, des cuisines. Donc gastronomie on avait, du monde. Indonésien, mexicain, italien, et on a fini par un repas très bon sénégalais. Excellent. Merci. Bon appétit, merci messieurs, dames. Merci. Bonne fin de journée. Bonne entame de saison, encore en poursuite de saison. Et au plaisir de vous retrouver donc au pied des marches ou ailleurs. Merci encore.